se baisser sur l'été destiné. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Guy Marchand avec le titre Destiné sur RGM, 8h36. On parle anniversaire avec ceux qui sont nés à 22 mai. On va parler de Guy Marchand qui est né en 1937. Chanteur, acteur français, vu dans Le Maître Nageur. Garde à vue dans le rôle de l'inspecteur Marcel Belmont, récompensé par le César du meilleur acteur dans un second rôle. Les Soudoués en vacances, Ripou contre Ripou dans le rôle de Guy Brisson. Ma femme s'appelle Maurice, Hibou, Le Doudou. La série télé Nestor Burma dans le rôle de Nestor Burma. La saga de l'été, L'été rouge dans le rôle du capitaine Martin Lebrec, vu dans Fargas dans le rôle de Fargas, Doc Martin, Scène de ménage, Nos chers voisins ou encore 10%. 1960, naissance de Jean-Michel Cohen, nutritionniste, animateur télé, auteur français. 1970, naissance de Naomi Campbell, mannequin, également actrice britannique, vu dans Prêt-à-porter, Zoolander 2, à la télévision dans Le Prince de Bel-Air, Ugly Betty, Empire dans le rôle de Camilla Marx et depuis 2017, dans la série Star, le rôle de Rose Spencer Crane. 1972, naissance d'Anna Belknap, actrice américaine, connue pour son rôle d'Eva Rossi dans la série NIH Alert Médical, son rôle de Lindsay Monroe dans Les Experts Manhattan, vu également dans Hawaii 5-0 ou encore Good Doctor. 1977, naissance de Karine Tessandier, animatrice télé française. 1978, naissance de Jennifer Goodwin, actrice américaine, vue dans Le Sourire de Mona Lisa, ce que pensent les hommes dans le rôle de Gigi, la série télé Ed dans le rôle de Diane Snyder, Once Upon a Time dans le rôle de Blanche-Neige, alias Marie-Margaret Blanchard. 1984, naissance de Dustin Moskovitz, chef d'entreprise américain, cofondateur de Facebook. 1987, naissance de Novak Djokovic, joueur de tennis serbe, professionnel depuis 2002. Il a été pour la première fois numéro 1 mondial, c'était le 4 juillet 2011. Il a remporté 7 fois l'Open d'Australie, 4 fois Wimbledon, 3 fois l'US Open et enfin une fois Roland-Garros. Aux Jeux Olympiques, il a remporté une médaille de bronze en simple et avec la Serbie, il a remporté la Coupe Davis en 2010. 1992, naissance de Camille Lou, chanteuse actrice française, connue pour ses rôles dans les comédies musicales 1789, Les Amants de la Bastille, où elle interprétait Olympe, et la comédie musicale La Légende du Roi Arthur, où elle interprétait la Reine Guenièvre. Vue au cinéma dans Épouse-moi, mon pote, jusqu'ici tout va bien, vu dans la série télé Les Bracelets Rouges dans le rôle d'Aurore, et à noter qu'elle a participé à la 7e saison de Danse avec les Stars. 1999, naissance de Cameron Bicondova, actrice américaine connue pour son rôle de Selina Kyle dans la série télé Gotham. En 1885, décédé Victor Hugo, homme de lettres et homme politique français. En roman célèbre, on peut bien évidemment citer Notre-Dame de Paris ou encore Les Misérables. En poésie, Les Châtiments ou encore Les Contemplations, et en théâtre, Ruy Blas. En 1972, décédée Margaret Rutherford, actrice britannique, connue pour son rôle de la duchesse de Bricktown dans Hôtel International, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, et à noter qu'elle avait incarné Miss Marple d'Agatha Christie dans 5 films anglais. Avant de marquer une nouvelle pause musicale, on va passer aux sorties cinéma, hein, comme tous les mercredis. On commence avec les plus belles années d'une vie, comédie dramatique de Claude Lelouch avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée ou encore Marianne Denicourt. Autre film, John Wick Parabellum, un film d'action de Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Halle Berry ou encore Laurence Fishburne. Autre film, Aladdin, film d'aventure de Guy Ritchie avec Will Smith, Mena Massoud ou encore Naomi Scott. Autre film, Le jeune Ahmed, drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Idir Benhadi, Olivier Bonneau ou encore Myriam Akeydiou. Autre film, La voix du pardon, un drame biopic d'Andrew Erwin et John Erwin avec J. Michael Finlay, Dennis Quaid et Madeleine Carroll. Et enfin, dernier film, Une part d'ombre, un thriller de Samuel Tillman avec Fabrizio Rongione, Natacha Régnier ou encore Baptiste Lalieu. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec Camille Leloup, avec la comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille, et le titre Les mots que l'on ne dit pas. Mmh. J'ai tant de plaisirs qui se taisent, tant de désirs qui se plaisent à rester sans voix. J'ai devant moi la vie que je n'ose pas. Avec la comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille et le titre Les mots qu'on ne dit pas. Il est presque 8h44, on fait un point météo. La météo. Alors, pour le moment, c'est plutôt couvert. Il y a même du brouillard par endroit. Mais ne craignez rien, le soleil devrait bel et bien être parmi nous aujourd'hui. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 17 et 19 degrés pour cet après-midi. Pour demain, jeudi, soleil avec quelques nuages. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 19 et 21 degrés pour demain après-midi. Vendredi, soleil et nuages également. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Allez, on débute avec le cyclisme et le Giro et la victoire hier d'Arnaud Démare. En basket, en NBA, cette nuit, l'équipe de Toronto s'est imposée 120 à 102 face à Milwaukee. Toronto a donc égalisé à deux manches partout dans cette demi-finale. En hockey sur glace, play-off de NHL, cette nuit, Saint-Louis s'est imposé 5 buts à 1 face à San Jose. Saint-Louis s'est donc qualifié pour la finale. Ils rejoignent ainsi l'équipe de Boston et la finale débute lundi soir, enfin en tout cas dans la nuit de lundi à mardi pour nous pauvres Français. Allez, on continue avec le hockey sur glace et on va parler des championnats du monde, même si la France est reléguée. Des rencontres ont eu lieu hier avec notamment la victoire du Canada 3 buts à 0 face aux États-Unis, la victoire de la Russie 7 buts à 4 face à la Suède, la Lettonie s'est imposée 4 buts à 1 face à la Norvège, la Slovaquie s'est imposée après prolongation face au Danemark 2 buts à 1, l'Allemagne L'Allemagne s'est imposée 4-2 face à la Finlande et enfin la République tchèque s'est imposée 5-4 face à la Suisse, ce qui nous donne en classement pour le groupe A, le Canada qui finit en premier, deuxième la Finlande, ensuite on retrouve l'Allemagne et quatrième les États-Unis, cinquième la Slovaquie, sixième le Danemark, septième la Grande-Bretagne et donc huitième est reléguée la France. Dans le groupe B finit à la première place la Russie, ensuite on retrouve la République tchèque, la Suède et la Suisse. Ensuite, il y a la Lettonie, la Norvège, l'Italie et donc l'Autriche, 8e et reléguée. Les quarts de finale débutent demain et ils opposeront alors le Canada à la Suisse, la Russie aux États-Unis. Alors ça va être pas mal. La Finlande à la Suède et enfin la République tchèque à l'Allemagne. Allez, on va parler, football maintenant avec direction l'Angleterre et Olivier Giroud qui prolonge d'un an avec Chelsea. Hier a été dévoilée la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France. Elle est composée ainsi de 24 bleus. Côté gardien, on retrouve Areola, Lecomte, Lloris et Maignan. Côté défenseur, Digne, Dubois, l'Anglais, ex-nancéen, Mendy, Pavard, Umtiti, Varane ou encore Zouma. Milieu de terrain, N'Golo Kanté, Matuidi, Ndombele, Pogba ou encore Sissoko. Et côté attaquant, on retrouve Ben Yedder, Coman, Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappé et enfin Thauvin. Voilà donc pour la liste de Didier Deschamps. Allez, on termine cette actualité sportive avec le tennis. Et à Genève, il n'y a déjà plus de Français en compétition avec l'élimination hier d'Adrian Manarino en 3-7 face à Ramos Vinolas. 6-7, 6-3, 6-2. À Lyon, qualification de Moutet en 3-7 face à Opelka. 6-3, 2-6, 7-6. Qualification de Benoît Paire en 3-7 face à McDonald. 3-6, 7-6, 6-1. Herbert en revanche lui s'est incliné en 3-7 face à Johnson, 7-6, 5-7, 6-1. Aujourd'hui Humbert affrontera Chapovalov, Gasquet se repose à Fritz, Tsonga à Diaz, Lamazine à Basilashvili, Benoît Paire à Cuevas et enfin Moutet à Bautista Agut. À Strasbourg, les matchs d'hier ont été reportés. On retrouvera donc aujourd'hui Ferro face à Wang, Caroline Garcia qui va peut-être enfin pouvoir terminer son match face à Rogers ou encore Paquet face à Anne. Et on termine avec les qualifications de Roland-Garros. Et alors hier, ça s'est mieux passé pour les Français que pour les Françaises, puisque côté féminin, toutes les Françaises sont passées à la trappe, sauf une. Élimination de Georges en 3-7, élimination de Dodin en 2-7 et élimination de Benchek en 2-7. Léonard s'est inclinée elle aussi en 2-7. Hierolimos, elle, a été éliminée en 3-7. Lim a été éliminée en 2-7 et donc Jacquemot s'est qualifié en 2-7. C'était face à Eredine. Aujourd'hui, on retrouve Andrea Jaffitrimo opposé à Marino. Et donc, côté messieurs, Quaco, Bourg et Blancano se sont tous trois qualifiés en 3-7. Aujourd'hui, on retrouve plusieurs Français. On commence avec Müller opposé à Polonski, Blancano affrontera Pavlasek, Martino se reposait à Kobjans, Benchetrit à Fratangelo, Guinard à Quincy, Quaco à Degriff, Cornu Chauvinc à Montero, Gaston à Vatuta, Denoli à Darcy, Statlo à Imer et enfin à Milojevic. Et donc voilà pour l'actualité sportive. On va donc tout de suite marquer la dernière pause musicale et on va également retrouver Camilo, cette fois-ci avec la comédie musicale La Légende du Roi Arthur. C'est en duo avec Florent Motte et ça s'intitule Quelque chose de magique. Goûter aux effets toxiques des hommes et leur venin. J'ai défait le vent, inversé le temps pour retrouver tes pas. Tuer mes démons, braver les tourments pour arriver à toi. Just héroïque s'aimer dans les étoiles. Dans une course fantastique sur le chemin du Graal. J'ai défié des nuits, chassé les esprits qui troublaient ma foi. J'ai veillé tes jours, invoqué l'amour pour arriver à toi. Florent Mott, c'était la comédie musicale La Légende du Roi Arthur, quelque chose de magique sur RGM, un peu plus de 8h53. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 10h. On retrouvera les Ados avec l'IME de Saint-Amé. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. À 14h, ce sera Mika avec le prix ado avec David Mottet. À 15h, Action Bollecker. À 20h, Nothing But The Blues. 21h, la rediffusion de Vivre et Créer à la Montagne. Et nous, il n'y en a pas cette semaine. Nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.